life was everything a man could wanna do. Oh, Thank you. Thank you. sais pas. Je ne sais pas. Je ne connais pas les accords, tu vois, sur le manche de ma basse. Le synthé, hein. Ça sera plus simple. Alors, comment ça? 1, 2, 3, 4. Voter les gars, il faudrait qu'il y en ait un qui vote. The first is good. Ok. And not good. Ok. Two. Ok. Three. Not good. Restart. pouvez mettre les trois accords. Voilà. Cette fleur qui s'épanouit. disparaît, c'était Pluton. On pouvait encore se comprendre. Mon enfance a pâli déjà. Ce sont des gestes d'autrefois. Des films et sur des photos. Tu es parti tellement trop tôt. Sur le chemin. chaussure là, je crois. Attends, je vais régler ma basse. guitare. Ça démange, ça démange, ça gratouille, ça démange. On a envie de faire le truc ici. Non, il part pas sur le 1. Thank you. Oui, j'ai fait.